JB Mpiana a dit, l'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Va leur dire, écoute ça, hey! Oh nanana, oh nanana, oh nanana. Oui, allô, c'est moi, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Plusieurs appels dans le mois, pour qu'on s'oublie, qu'on s'éloigne lentement. Je pouvais être pour toi, mais t'as fait ton choix. C'est plus main dans la main, nos chemins se séparent, on a plus le même lendemain. Ah, j'ai pas son numéro, mais qu'est-ce qui s'est passé? Histoire de love pour elle, c'est impossible. J'ai plus son numéro, mais qu'est-ce qui s'est passé? Histoire de love pour elle, c'est impossible. Tu me dis sans cesse qu'entre nous deux ça va trop vite. Malheureusement pour toi, je crains pas la TSV. Évidemment que je suis un putain de zonard. Cherche un peu de temps pour toi, mais y'a la TSV. J'ai besoin que de toi, j'ai pas besoin du million. Maintenant que t'es parti, dans mon cœur je me sens humilié. Pour te remplacer, il en faudrait des milliers. J'ai besoin que de toi, j'ai pas besoin du million. Maintenant que t'es parti, dans mon cœur je me sens humilié. Pour te remplacer, il en faudrait des milliers. Hey, bébé, faut qu'on s'explique. J'en ai marre que tout le temps tu me prennes la tête. Viens, on se réconcilie, viens sous la couette. Il faut juste qu'on soit fiers de nous. Les autres se fichent de nous. Les choses étaient carrées, mais pourtant t'as changé. D'abord, toi, j'suis pressé. D'abord, toi, j'suis pressé. Moi, j'pense que j'suis précis. Moi, j'pense que j'suis précis. Et j'peux lire dans tes pensées. Et j'peux lire dans tes pensées. J'peux voir tes indécis. J'peux voir tes indécis. J'aime le plus d'histoire de love. Donc, j'ai dû innover. Et j'ai pensé au lover. Ah, j'ai pensé au lover. Je n'ai plus rien à prouver. Oh, nanana. L'être humain est mauvais. Oh, nanana. De toi, j'ai pas besoin du million. Maintenant que t'es parti, dans mon cœur je me sens humilié. Pour te remplacer, il en faudrait des milliers. J'ai besoin que de toi, j'ai pas besoin du million. Maintenant que t'es parti, dans mon cœur je me sens humilié. Pour te remplacer, il en faudrait des milliers. Pour toi je décrocherai la lune, mais j'ai l'impression que tout ça tu t'en fous. Oui, ça m'a rendu fou de voir que quand je te parle, ben toi tu retiens rien du tout. Volume 2 Jungle Squad My Quad Brian. Encore nous. Tu vas les retomber? Que dire?